Vous êtes bien sur RIG 90.7. On se devait de rendre hommage à aux deux grands disparus de la musique, 100 ans, celui, le membre de Status Quo et George Michael. Voici deux petits hommages juste avant l'émission. Feel inside whenever you want me. must have known that he could, that you'd never leave him. Now you can't see my love is a good, and that I'm not a good. George Michael, vous êtes bien sûr RIG, les 20 heures passées de 1 minute. RIG. Oh, la marchite, c'est vachement toujours de Nexo. RIG 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Ne cherchez plus. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, c'est Thierry Gallet pour la dernière émission de la saga des Fab Four. Oui, il n'y en aura plus, il n'y en aura plus en 2016, il y en aura bien entendu après en 2017. C'est la 318e édition de la saga des Fab Four. L'album de la semaine, c'est l'album appui pour que ça puisse marcher, quoi, si on veut. Press to play, pour écouter en fait là, puisqu'il s'agit d'un disque là, dans ce cas-là. C'est de Paul McCartney en 1986. On écoutera Press, on écoutera Footprints, Only Love Remains, Good Times Coming, Feel the Sun, une double chanson. Il y aura également Pretty Little Head. Je crois que je vous ai programmé la version du single parce qu'elle est mieux que la version de l'album. Il y aura également la chanson que j'adore sur cet album-là, c'est However Absurd. Ça, c'est pour l'album de la semaine. Il y aura ici du Lennon, du Harrison, du Starr et des Beatles. Pour Lennon, par exemple, Oh My Love, qui est tiré de l'album Once Upon a Time, oui, le best-of de Lennon Anthology en 98. Il y aura également All Things Must Pass, donc pour George Harrison, venu bien entendu de l'album éponyme All Things Must Pass en 1970. Un bon Ringo Starr de 74 sera la chanson, ouh oui, en anglais s'il vous plaît, pas en français, sur l'album Goodnight Vienna en 74. Et pour les Beatles, je l'ai pris de l'anthologie de en 1996. Ce sera quelque chose qui, pendant longtemps, pour nous, fans des Beatles, était un pirate, quelque chose d'inédit. C'était If You've Got Troubles, qui n'était pas sorti officiellement. Et puis, pour les anthologies, l'ont officialisé. Donc c'est une chanson qui existe, ça n'est plus un pirate, et c'est bien comme ça. Il y aura bien autre chose aussi, et un hommage, on a réussi, là on a fait un hommage très rapide juste avant l'émission, mais pour ceux qui auraient pris l'antenne juste à 20h, il y aura un second hommage que j'ai réussi à recaler juste à la place d'une autre pour la cover. Ce sera George Michael qui nous chantera une chanson des Beatles. Je ne vous dis pas laquelle, vous le saurez bien tout à l'heure. Pour l'instant, je vous propose d'aller dans le métro de Londres. Si vous aviez vu le clip, vous l'auriez su. Vous sauriez pourquoi je dis ça. Puisque pour le clip de Press to Play, de Press même tout court, il est allé se balader dans le métro de Londres. C'était sympa, j'aurais voulu être là-bas en 86. Voici la première chanson de l'album de la semaine. L'album, c'est Press to Play. La chanson, c'est Press. Vous êtes sur les régies jusqu'à 22h. Bonne soirée. C'est moi, c'est tu, c'est fille. I love you very, very, very much, and I really am relying on your touch. But with all these people listening, I don't know where I ought to begin. Maybe we could get a phone work, something that the others hadn't heard. Tell me the press, tell me the press. I'm right there, that's it. Ce nouvel album se fera attendre presque 2 ans, un délai assez long dans le rythme de production de Paul McCartney. Le relatif insuccès de Give My Regards to Broad Street justifia sans doute ce laps de temps vraisemblablement consacré à mûrir un retour plus probant, ancré dans une modernité que cette décennie a élevée au rang de vertu première. Eurythmics, Simple Minds, Duran Duran, Ultravox et autres chantres de la musique synthétique règnent alors sans partage sur une scène rock britannique considérablement revivifiée. McCartney, qui refuse déjà obstinément de vieillir et toujours opiniâtre dans sa volonté de garder une position de leader, demeure curieux des nouvelles méthodes de production et attentif aux évolutions technologiques. Mais il n'adoptera surtout ici de cette nouvelle vague musicale que son utilisation outrancière des programmations par ordinateur, avec le concours pourtant prometteur de Hugh Padgham, pas trop sûr que ça se prononce comme ça, producteur très en vogue à l'époque pour son travail remarqué avec les groupes Police, XTC ou encore Genesis. Voilà ce qu'on pouvait dire pour démarrer cette saga des Fab Four. Et je vous propose de retrouver John Lennon en 1971 en réalité, et là en 1998 pardon, sur Once Upon a Time, donc une version légèrement différente. Oh My Love sur RG. Oh my love, George Harrison dit de cette chanson: quand j'ai écrit All Things Must Pass, j'ai essayé d'écrire un air à la façon de Robbie Robertson, l'orchestre de Robbie Robertson. Et c'est exactement comme ça que c'est devenu. Je pense que l'idée entière de All Things Must Pass a été écrite par tous les genres de mystiques et ex-mystiques, incluant Timothy Leary et ses poèmes psychédéliques. Voilà. Faut connaître George Harrison pour arriver à comprendre de quoi il parle. Voici Monsieur Ringo Starr maintenant, avant qu'on parle de quelqu'un qui habite à Londres. Que c'est du français, mais non, c'est de l'anglais. Ou, O, et oui, W, E. Ouh, oui, babe. Voilà. Ringo Starr en 1974 sur l'album Goodnight Vienna. Nous avons écouté Paul McCartney, John Lennon, George Harrison, Ringo Starr. Donc, si on met tout ça dans une grande marmite et qu'on tourne, on va finir par obtenir les Beatles. Puisqu'on va parler des Beatles, on va parler de Lovely Rita. Lovely Rita, c'est l'anglaise extrêmement sympathique qui tient le Beatles Magazine, qui vous permet de savoir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, tout sur John, Paul, Ringo, George, à l'adresse suivante, beatlesmagazine.uk.com. Allez-y, et vous verrez que vous avez des tonnes, des milliards de renseignements, il y a des millions de visites en tout cas tous les jours, c'est vraiment génial. Et elle fait même de la pub pour nous, nous les animateurs qui faisons des émissions sur les Beatles, si vous voulez tout savoir. Allez sur BeatlesMagazineUK.com. Merci Lovely Rita. Voici les Beatles, If You've Got Trouble sur RG. Explication que je donne au fait que cette chanson ne soit pas parue sur l'album au début des années 60 avec les Beatles, c'est qu'ils avaient suffisamment de chansons, donc elle a été rejetée juste parce que il y en avait trop, parce qu'elle est bonne, hein. La musique, la basse est bien, Ringo chante bien, donc il n'y avait pas de raison. Merci de nous avoir reproposé ça des années plus tard, en 1996, mais c'est pas grave, on ne vous en veut pas, du moment qu'on l'entend, c'est toujours très bien, et de toute façon, on l'entend dans la saga. On revient à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Press to Play de Monsieur Paul McCartney. Voici une très belle chanson, serré serré, ça va être très beau. Voici Footprints sur RG. Outside, an old man gathers wood. Can you see me sitting here? His mind is somewhere else. His friends have flown away. He's left out in the cold. He won't sit by my fire. He says he likes it in the snow. Where footprints never go. He likes it in the snow. It's getting dark outside.

John Lennon en 1973, I Know, avec un picking à la guitare qui rappelle les Beatles. I Know est l'une des meilleures ballades de cet album, même si pour les paroles, John enfonce le clou avec un thème qui commence à devenir familier. Une fois de plus, il jure son amour à Yoko, tout en battant sa coulpe parce qu'il est indigne de lui. Mais il semble que cela n'ait pas suffi. Avant même que l'album n'atteigne les bacs des disquaires, John avait déjà quitté le domicile conjugal, apparemment à la demande de Yoko. Grosse tristesse à ce moment-là pour lui. Bien, la suite de la saga des Fab Four, c'est maintenant avec une très belle chanson, encore une fois, de Monsieur Ringo Starr. C'est en 1992 sur l'album Time Takes Time, une chanson que je dis beatlesque. Ah oui, elle aurait pu sortir du temps des Beatles. Voici In a Heartbeat sur RIG. Turn around for you. I'll do whatever I can do. If you ever need someone, I would love to be the one. Call when you're feeling all alone. Way for you. I'll find a brighter day for you. J'adore cette chanson. Ringo Starr, à l'instant. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous retrouver sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four, sur macaclub.com dans l'espace dédié à La Saga des Fab Four, et également sur Twitter avec le hashtag, j'allais dire le sticker, non, le hashtag Saga Fab Four. Merci à tous et à toutes de nous rejoindre, de nous mettre un petit mot partout, là où vous voulez, et si j'ai l'occasion de vous lire à l'antenne, eh bien je le ferai sans hésiter. Vous avez aimé ce Ringo Starr, vous aimerez le suivant avec un petit coup de main de George Harrison. C'était sa dernière apparition à la guitare sur une chanson, en tout cas de Ringo Starr. C'était en 1998, l'album Vertical Man, et le titre du morceau, c'est King of Broken Hearts. Monsieur Ringo Starr avec l'aide de George Harrison. In love, I just don't know where to start. I'm the king of broken hearts. I was waiting for the bells to ring. My love for her keeps lingering. Broken hearts, I've lost before I ever start to love again. I'm the king of broken hearts, I give it all away to find a friend again. The dream I had before, she just walked right out the door. I want her back and nothing more. Her note fell on the bedroom floor. Some people live but never live. I can make a brand new start, living in the land of broken hearts. Yeah, I'm the king of broken hearts. I've lost before I ever start. Ils ont vraiment cherché hein, pour cette chanson Tomorrow Never Knows. C'est une des premières versions de la chanson avant que ça ne devienne ce que vous avez entendu surtout sur l'album. Et j'aime beaucoup Nathalie qui sur Facebook a mis une photo de John à l'envers pour essayer de faire une voix, je sais pas, intersidérale, une voix quelque part. Eh bien, il est carrément sur la chaise, mais avec la tête à la place des pieds, les pieds à la place de la tête et le micro pas loin pour voir ce que ça donne. C'était ça les Beatles. C'était la recherche d'un son nouveau, la recherche de faire quelque chose de différent, de faire quelque chose de... Voilà. Et ça a marché. Et ça a marché pendant les années 60. Et ça a marché tout le temps parce qu'ils étaient très très doués les enfants. Voici l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est l'album Press to Play de Paul McCartney en 1986. Et cette fois-ci, tout à l'heure j'avais dit serré, c'est Slow Time. Mais c'est encore plus Slow Time puisque c'est Only Love Remains juste après ça. LG 90.7, la radio des Beatles. Whatever gets you through the night, it's all right, it's all right. Bet your money or your life, it's all right, it's all right. Don't need a song to drop you flowers. Oh no, oh no. Whatever gets you through your life, it's all right. Tout à l'heure de ce moment où Yoko Ono est partie du... Enfin, plutôt a largué John Lennon en lui disant de s'en aller. Et pendant ce fameux Lost Weekend, qui n'était pas un week-end, mais qui était plutôt proche d'une année qu'autre chose, John Lennon se sentait perdu. Il a beaucoup bu, beaucoup pris de substances pas bien. Et surtout, beaucoup, beaucoup bu. Et il se sentait vraiment... il pensait qu'il n'avait plus la pêche, qu'il n'avait plus rien. Et lorsqu'il a commencé les sessions de cet album Walls and Bridges, il n'y croyait plus. Et il dit à Elton John, tiens, est-ce qu'il y a une chanson qui te plaît là-dedans. Et Elton John, qui était en plein, à fond à ce moment-là, vraiment plein dans son succès, a dit « Whatever gets you through the night, elle me plaît, ça me paraît très très bien, ça va être un hit pour toi, et on va la faire ensemble, et si c'est un hit pour toi, tu viendras chanter dans un de mes spectacles. » Ça a été un hit, il a tenu parole, et coup de bol, où est-ce que ça a été fait exprès, à ce spectacle, il y avait Yoko Ono, et le soir même, ils se sont remis ensemble. C'est pas beau la vie, non, mais du moment que Yoko ne chante pas sur un album de John Lennon, leur histoire d'amour, c'est très très bien. Tant mieux pour John, tant mieux pour Yoko. The Fabulous Four Saga, right here, on your radio with the Regale. Paul McCartney, George Harrison, John Lennon, Ringo Starr et Thierry Gallet. Quatre garçons dans le vent et un animateur extraordinaire. C'est la saga des Fab Four, bien sûr, et c'est sur RIG. Merci, belle Julie. Come on, ask me, girl, to set you. loves you more than me, so I will set you free. Go with him. Go with him. Anna, girl, before you go now, I want you to know now that I still love you so. But if he loves you more, go with him. We love you, Mr. Moonlight. And the nights that don't come my way, oh, I pray and pray more each day. We love you, Mr. Moonlight. Mr. Moonlight, come again, please. Here I am on my knees, begging if you please. And the night you don't come my way, we love you, Mr. Moonlight, Mr. Moonlight. Imparable, je marque les harmonies vocales, j'adore. Nathalie sur Facebook marque, c'est monstrueux. Pascal renchérit en disant, c'est ce qui faisait leur force. Et Tom continue en disant, quand tu reprends les Beatles en groupe, c'est ce qui est le plus dur à mettre en place, les harmonies vocales. Et oui. Voici George Harrison en 1979, If You Believe, croyez-le, c'est George Harrison. Et vous êtes sur RG 90.7, la radio des Beatles. Ce blanc vous a été offert par John Lennon, c'est Newtopian International Anthem, vous l'aviez deviné. Voici l'album de la semaine, l'album c'est Press to Play et Good Times Coming, Feel the Sun sur RG. Good times coming in. I was thinking about that summer. Oui, vous êtes là. Oui, ça y est, je sais pourquoi. C'est le moment. C'est le moment de la cover, puisqu'il est 21h11 sur RIG. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo, George, et quelqu'un reprend cette chanson-là. Même si, éventuellement, les Beatles étaient déjà les premiers à reprendre, par exemple, une chanson de Chuck Berry ou quelque chose comme ça. C'est ça, la cover. C'est une chanson qui a été chantée par John, Paul, Ringo, George, donc éventuellement par les Beatles. Et là, actualité oblige, j'ai changé la chanson que j'avais préparée. Je vous ai proposé une chanson en hommage à George Michael, disparu beaucoup trop tôt, parce que 53 ans, c'est beaucoup trop tôt. En 1990, pour le concert pour Linda, il nous avait fait un magnifique The Long and Winding Road. Le voici. The long and winding road that leads to your door will never that road before. It always leaves me here, lead me to your door. The wild and windy nights that the rain away has left a pool of tears crying for the day. Why leave me standing here? Let me road blowed up his nose. He's such a mean old man. Such a mean old man. His sister Shelley works in the shop. She never stops. She's a go-getter. Takes him out to look at the Queen. Only place that he's ever been. Always shouts out something obscene. He's such a dirty old man. Such a dirty old man. Mean Mr. Mustard sleeps in the park, shaves in the dark, trying to save paper. Sleeps in a hole in the road, saving up to buy some clothes. Keeps a 10-bob note up his nose. He's such a mean old man. The color of the sun cut flat, uncovering the crossroads I'm standing at. Oh, maybe it's the weather or something like that. Mama, you're just on my mind. Please don't put me down or get upset. I am not pleading or saying I can't forget. I do not walk the floor by down a bent, but yet, Mama, you just on my mind. Say words like yes or no, please understand me. I'm not calling for you to go. I'm just breathing to myself, pretending not that I don't know. Mama, you just on my mind. When you wake up in the morning, maybe look inside your mirror. You know I won't be next to you. You know I won't be there. But I'd be curious to know if you can see yourself as clear as someone who has had you on his mind. George Harrison à l'instant sur RIG dans ce bel album qui s'appelle Early Takes Volume 1, et j'aimerais bien qu'il y ait des volume 2, volume 3, volume 4 qui sortent, parce que c'est plutôt très très sympa en acoustique comme ça, et surtout des chansons qu'on ne connaissait pas de George Harrison. Mama, you've been on my mind à l'instant. Et je vous propose de revenir à l'album de la semaine. Je vous l'avais dit en début d'émission, la chanson que je vous propose n'est pas la version de l'album, mais la version du single, parce que la voix de Paul est plus mise en avant. C'est beaucoup plus agréable. Voici Pretty Little Head sur RIG. Major, Minor, un truc comme ça. Voilà, l'album Press to Play de Paul McCartney en 1986. Malgré cette louable tentation de vouloir dépasser son propre statut et s'inscrire résolument dans son époque, McCartney ne marqua guère les esprits avec ce disque dont la pochette rétro et kitsch à souhait n'aura guère aidé à en souligner l'ancrage contemporain. Reste qu'il gagne à être réexploré avec attention tant il recèle de son lot habituel de petites perles, de mélodies habiles aux habillages plutôt originaux et pertinents. Aucune trace de sueur n'entache ici un savoir-faire auquel de nombreux musiciens apportent une talentueuse contribution, en particulier un Eric Stewart, ex-10CC, qui co-signe discrètement 8 titres avec un McCartney visiblement en quête d'un nouveau tête-à-tête créatif. Parmi les autres invités de marque de ces sessions, on note la présence de Pete Townshend, Phil Collins, Ray Cooper ou encore du guitariste de Bowie, le brillant Carlos Alomar. Du beau linge, comme on en dit, pour accompagner Polo dans ses nouvelles expérimentations. Explorant avec un certain bonheur une toujours vaste palette stylistique, il aligne des pop songs vraiment réjouissantes, Good Times Coming, Feel the Sun ou Footprints, parfois émouvantes, Don't, Only Love Remains, et une poignée de rock bien sentie comme Stranglehold ou carrément saignant, Angry. Mais l'ensemble peine à décoller. McCartney y est comme absent à lui-même, empêtré dans des recherches de sonorités nouvelles, parfois innovantes et habiles, mais trop éloigné de ce qui a toujours fait la colonne vertébrale de son œuvre. Sa riche palette émotionnelle est ici noyée sous une couche d'effets secondaires. Il a eu parfois la main un peu lourde sur le vernis, espérant donner de l'éclat à des chansons dont il faut bien avouer qu'elles manquent un peu d'âme. Il faudra encore attendre quelques années à Paul McCartney pour qu'il se réconcilie pleinement avec son propre talent, pour qu'il admette enfin ne pas être tributaire des caprices d'une époque et qu'il renoue avec une mise en forme plus organique et dépouillée de tous les oripeaux des tendances à la mode. Une fois libéré de ses doutes légitimes, il saura redéployer ses ailes et nous gratifier régulièrement de quelques pépites qui n'auraient pas dépareillé des disques des Beatles. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cet album et je vous offre votre cadeau de Noël, un Revolution qui dure 10 minutes. C'est sur RIG. Oh, no, man. I take two. Okay. Oh,

regrets, my mixed emotions and my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt. And woman, I will try to express my inner feeling and thankfulness for showing me the meaning of success. Cette belle chanson Woman, chanson universelle, chanson évidemment chantée pour Yoko, mais suffisamment vague pour qu'on puisse la chanter pour tout le monde. Voici une autre belle chanson, voici The Lover Side of the Beatles, voici Learning How to Love You de George Harrison sur RG. Become more dis. Believe me. side. Your eyes may never know. No tooth could ever fear me. I'm left alone. En 1976, sur l'album 33 and One Third, Learning How to Love You. Très, très belle chanson de George Harrison. Je vous propose une dernière découverte, si c'est le cas, de l'album Press to Play de Paul McCartney en 1986, avec ce morceau que je trouve très Beatlesque, Beatlesien, Beatles comme vous voulez. Mais en tout cas, il y a de la magie dedans, j'aime beaucoup. Voici However Absurd sur RIG. Do not mock me qu'est-ce que j'aime ce final de However Absurd. Il est vraiment, vraiment génial. Je trouve que si les Beatles étaient restés ensemble, ils auraient peut-être fait ça dans les années 80. Ce morceau-là, peut-être. Ou pas. On ne saura jamais. Mais c'est pas grave. Bientôt, on arrive à la fin de l'émission. On va déborder un petit peu. On va passer toute la programmation parce que on peut le faire. Voici Ringo Starr, You've Got a Nice Way, en 1981, sur l'album Stop and Smell the Roses. Belle chanson aussi. Get smart. You got a nice way of believing in me. You got a nice way of telling me so. So I know. You got a nice way of believing in me. You got a nice way. Do but smile. Back a few years ago, I was blind, now I can see 4 miles. Baby, you saved me, loving me, will you stay for a while? You got a nice way of believing in me. You got a nice way. Trois chansons, voici deux versions de la même. Go, the higher you fly, the higher you fly, the deeper you go, come on, come on, come on, come on, come on, it's such a joy, come on, it's such a joy, come on, make it easy, come on, make it easy, make it easy, make it easy, make it easy. Everybody's got something to hide. Except for me and my monkey. Come on. such a joy. Come on, make it easy. Come on, make it easy. Take it easy. Take it easy. Everybody's got something to hide, except for me and my monkey. Là, on va dire que c'était la version démo. Voici la version finale que vous connaissez forcément. Dire que cette chanson s'appelait au départ Command Command et c'est devenu Everybody's Got Something to Hide Except Me and My Monk. Et voici la dernière chanson de la saga. I'd just like to wish you everything you wish yourselves for Christmas. Now, this is John Lennon saying on behalf of the Beatles, have a very happy Christmas and a good new year. I'm Harrison speaking. I'd like to take this opportunity of wishing a very merry Christmas listeners everywhere. Ringo Starr, and I'd just like to say Merry Christmas and a really Happy New Year to all listeners. And Christmas time's o'er, and your bonny clay is through. I'll be bristling to you, people. All the best from me to you. When the beastie drag o' mutton to the hill in the lane, I'll be strutting out my tether to your arms once back again. Buck away, you bonny. Et voilà. Merci à Eric de ne pas être venu ce soir. Comme ça, j'ai pu finir en retard avec Fonte, quoi. Roche-Ponte, ça m'amuse toujours. Et puis, il est gentil, il me laisse toujours terminer en me disant « Mais non, laisse, c'est bon, c'est pas grave. » Donc, je vous souhaite une très bonne fin d'année. On se retrouve l'année prochaine. Je peux déjà vous dire que la prochaine saga, celle du début janvier, est déjà prête. Et l'album de la semaine, ce sera Electric Arguments de Paul McCartney. Oui, c'est déjà prêt, c'est déjà dans la boîte. Donc, il ne reste plus qu'à passer de bonnes fêtes. Je vous conseille, comme ça, de rester encore 9 minutes juste après le générique pour deux hommages. Si vous n'étiez pas là en début d'émission, ce sera sur le podcast, mais il y en aura deux en début d'émission et deux en fin d'émission. Donc je vous fais de grosses grosses bises, surtout à vous les filles, et des poignées aux garçons, ça suffira. Je vous souhaite donc de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Bye bye, ciao. Restez après le générique. De RG pour celui de Status Quo qui est parti. Voici Down Down. Et juste après, il y aura un George Michael. Ce sera Careless Whisper et on se quittera. Slow Time sur RIG. Your hand.